Normand, la Normandie est la deuxième région la plus bétonnée de France, derrière la Bourgogne-Franche-Comté. Selon l'INSEE, la croissance du parc de logements est 5 fois supérieure à celle de la population. Deux pistes d'explication à cet écart important. D'un côté, l'éclatement des familles, la progression du nombre de divorces et de familles monoparentales dope la demande de logement. De l'autre côté, c'est une envie plus globale qui s'exprime. Habiter hors du centre-ville jugé trop cher, trop pollué, trop bruyant. Les logements en périphérie des agglomérations sont de plus en plus plébiscités. Pour limiter ces phénomènes, le Césaire préconise de valider les constructions à l'échelle régionale et non plus départementale, comme c'est le cas actuellement, pour harmoniser le paysage rural normand. La proposition sera étudiée à l'été prochain. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude du Césaire sur son site internet. La pétition lancée la semaine dernière sur le site change.org a déjà recueilli près de 1500 signatures et s'intitule « Pour que les producteurs de lait vivent de leur métier ». La FRSEA de Normandie invite ses adhérents à faire pression sur Agrial pour que celui-ci révise à la hausse ses prix d'achat du lait. Le syndicat agricole estime que le groupe coopératif est bien en deçà des tarifs pratiqués par les autres entreprises laitières. Il paierait ainsi les 1000 litres de lait 15 euros de moins que le géant Lactalis. Agrial a récemment communiqué le prix du lait qu'il compte appliqué au quatrième trimestre 2018, 315,62 euros les 1000 litres, soit une augmentation de 5 euros par rapport à septembre. Mais sur la même période, le prix annoncé de Lactalis est de 334,70 euros les 1000 litres. En lissant les prix sur l'année, l'écart entre les deux acheteurs se réduit, mais le second acteur continue de proposer un prix plus avantageux, 5 euros de plus qu'Agrial. La FRSEA s'étonne d'autant plus de cette grille tarifaire que la conjoncture actuelle pousserait à une augmentation du prix d'achat. La sécheresse connue cette année en Europe a entraîné une baisse de la production laitière. Au vu de la situation, Agrial doit revoir sa politique d'investissement pour mieux répartir son résultat afin de redonner des perspectives à ses producteurs et ne pas se faire montrer du doigt dans l'environnement économique laitier de Normandie. C'est ce qu'affirme la pétition lancée par la FRSEA Normandie. Le président de région Hervé Morin et Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région Normandie en charge des transports, ont visité, aux côtés de Laurent Bouillet, président de Bombardier Transport France, les lignes de production à Crépin dans le Nord. Entre 45 et 50 rames du type Omnéo Premium sortent chaque année du site Bombardier. Déjà en test depuis cet été et jusque début novembre en Normandie, ces nouveaux trains circuleront dès 2020 sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Connexion Wi-Fi, affichage de la réservation sur les sièges, prise électrique font partie des services proposés à bord de ces trains entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des services choisis par les Normands eux-mêmes lors d'une consultation publique menée en 2016. En avril 2016, quelques mois après son arrivée à la tête de la région, Hervé Morin avait signé un protocole région-État. Par cette convention, l'État transfère à partir de 2020 à la région la gestion de 5 lignes dites trains d'équilibre du territoire. Paris-Caen-Cherbourg, Trouville-Deauville, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Granville, Paris-Évreux-Cerquigny et Caen-Le Mans-Tour. Au programme pour la région, la gestion du cadencement des horaires et des équipements. En échange, l'État s'engage à renouveler d'ici 2020 les matériels roulants sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Trouville-Deauville et Paris-Rouen-Le Havre. Montant de l'investissement, 1,2 milliard d'euros. Un peu plus tard, en février 2018, exaspéré, le président de région qualifiait même le service de l'État d'indigne dans un courrier adressé à la ministre des Transports. Une nouvelle étape attend donc la Normandie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle fin de nuit, très belle journée à l'écoute de Cristal. To see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Please stop.

Vous êtes des pâtissiers ou des pâtissières en herbe et vous avez envie de cuisiner plus tranquillement en ayant moins mal au bras parce qu'il faut fouetter. Bon bah je vous offre du coup un robot pétrin tous les jours sur Cristal dans la pause déj 02 32 23 53 96. Ça fait aussi un joli petit cadeau hein, sous le sapin. Je vous rappelle que c'est dans 2 mois et demi quand même. Nous sommes avec donc Christine de Guichainville, tout près d'Evreux. Bonjour Christine. Bonjour. Christine, j'espère qu'on va bien t'entendre. Parle bien près de ton téléphone si tu es en haut-parleur. Oui, oui. Tu es avec ton mari, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle François. Et ça fait 4 ans que vous êtes mariés. C'est ça. Alors tout se passe bien ? Oui, oui, ça va. Très bien. Le mariage, est-ce que c'est aussi bien que, que ce qu'on nous dit dans les films ? Oui. Oui, je vais dire oui. Pour pas décourager les autres à se marier. Christine, voilà. Vous avez 3 beaux enfants quand même. Oui. Ils ont quel âge ? Alors, 11, 8 et 14 mois. D'accord, donc ils sont jeunes là. Hein. Oui, oui. Les journées doivent être bien remplies. Bon, non, ça va, ça va. Bah, t'en as un qui est au collège, l'autre qui est en primaire voilà. Et l'autre c'est un bébé. Un bébé, c'est ça. Il faut s'occuper quand même des 3 en même temps. C'est, pas, voilà. C'est plus le bébé, du coup, qui prend du temps, c'est ça ? C'est ça. Les autres sont plus autonomes. Christine, t'aimes bien cuisiner ? Pas vraiment. Disons que j'ai envie de m'y mettre, là, c'est pour ça. Bon, ça va bien t'aider, un robot pétrin, à remporter aujourd'hui dans la pause déj. 1 minute de questions, il faut que tu fasses le meilleur score aujourd'hui. Tu es la première candidate à passer. Es-tu prête ? Je suis prête. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Comment s'appelle le nouveau ministre de l'Intérieur ? Christophe Castaner. Quel animateur historique de France 2 quittera la chaîne l'année prochaine ? Patrick Sébastien. Quel est le prénom de l'acteur dont le nom est Anconina ? Richard. Quel ex-champion du monde 98 a fêté ses 50 ans hier ? Je passe. Quelle nation les Bleus de Deschamps affronteront-ils ce soir au Stade de France ? L'Allemagne. Quel couple People a annoncé hier qu'il attendait son premier enfant ? Le prince Harry et Meghan Markle. Il peut être mental ou rénal, de quoi s'agit-il ? Oula, mental ou rénal ? Ah non, je passe. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Danny Boone. Je parle de qui l'a fait. Danny Boone, il a quel âge ? 50 ans. On accepte, Jocelyne, on fait comment ? Oui, j'accepte. Bah oui, t'avais pas entendu la question. Alors, je te demandais en plus, à 3 ans près, l'âge de Danny Boone, tu nous as dit 50 ans. Il a 52 ans, ça te fait déjà une bonne réponse. Alors, il peut être mental ou rénal. De quoi s'agit-il ? Alors, il vaut mieux qu'il soit mental que rénal, hein, je vous l'assure. Le calcul. Ah oui. C'est vrai. Et le couple qui a annoncé qu'il attendait son premier enfant hier, c'est le prince Harry et Meghan Markle, en effet. Hein. Ils se sont mariés au mois de mai, et là, elle est enceinte. Ils attendent pas là-bas à Buckingham Palace, hein, je vous le dis. La nation des Bleus que quelle nation les Bleus de Deschamps affrontent-ils ce soir au Stade de France ? Eh bien, l'Allemagne. Alors, ça me paraît bien, hein. Même très très bien, Christine et François, même si on n'a pas du tout entendu François. Oui, du coup, il m'a pas aidé. Voilà, il a laissé sa femme tout faire, comme d'habitude. Alors, Christine, tu restes avec nous, on va voir ton score dans un instant. Et puis, là, on écoute LSD, voici Thunderclouds. passer la pause déj pour vous accompagner. Il est midi 9. Bon appétit si vous êtes à table en ce moment. Nous sommes avec notre première candidate. On va débriefer les réponses qu'elle nous a données à l'instant. Christine et son mari François de Guichainville sont avec nous. Alors Christine, puisque c'est plus toi qui as répondu aux questions que ton mari quand même. Ah, j'entends Tilou derrière. Oui, elle entend la musique là, du coup. Ah, elle chante. C'est laquelle, du coup? C'est la dernière. Ah, la toute dernière qui a 14 mois. Elle chante déjà. Oui. Peut-être future chanteuse. Peut-être comme Madonna, en effet, qu'il fallait retrouver dans cet extrait. Bon, si ta fille devient chanteuse, je lui souhaite la carrière de Madonna, en tout cas. Comment s'appelle le nouveau ministre de l'Intérieur? Tu as suivi l'actu ce matin? Tu as regardé le remaniement du coup à la télé? Oui, j'ai suivi, c'est pour ça. Oui, en effet, c'est bien Christophe Castaner du coup qui va remplacer Gérard Collomb. L'animateur historique de France 2 qui quittera la chaîne l'année prochaine. On parle de Patrick Sébastien. C'était d'ailleurs notre question du jour hier sur le Facebook de Cristal. Il y a 52% de vos votes. Vous approuvez cette décision. Et toi alors, Christine? Ça te touche que Patrick Sébastien quitte France 2? On l'a perdu, Christine n'est plus là. Tout de suite, on parle de Patrick Sébastien. Bon, c'est pas grave, on va finir sans elle. Quel est le prénom de l'acteur dont le nom est Anconina? On parlait bien de Richard Anconina. Et l'ex-champion du monde, 98K, a fêté ses 50 ans hier. Christine n'a pas retrouvé la réponse. C'était Didier Deschamps. Christine et François de Guichainville ont aujourd'hui fait le total de 7 bonnes réponses. Ce sera donc le score à battre aujourd'hui. 8 points à faire pour le prochain candidat, qui est peut-être vous d'ailleurs. Si vous pensez pouvoir battre ce duo, vous nous appelez tout de suite au 02 32 23 53 96. 8 points, c'est bon, c'est pas plus facile à faire non plus, mais pourquoi pas si vous êtes en équipe pour gagner donc un robot pétrin ce midi. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Turn.

Déjà en test depuis cet été et jusque début novembre en Normandie, ces nouveaux trains circuleront dès 2020 sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Connexion Wi-Fi, affichage de la réservation sur les sièges, prise électrique font partie des services proposés à bord de ces trains entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des services choisis par les Normands eux-mêmes lors d'une consultation publique menée en 2016. En avril 2016, quelques mois après son arrivée à la tête de la région, Hervé Morin avait signé un protocole région-État. Par cette convention, l'État transfère à partir de 2020 à la région la gestion de 5 lignes dites trains d'équilibre du territoire. Paris-Caen-Cherbourg-Trouville-Deauville, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Granville, Paris-Évreux-Cerquigny et Caen-Le-Mans-Tours. Au programme pour la région, la gestion du cadencement des horaires et des équipements. En échange, l'État s'engage à renouveler d'ici 2020 les matériels roulants sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg-Trouville-Deauville et Paris-Rouen-Le Havre. Montant de l'investissement, 1,2 milliard d'euros. Un peu plus tard, en février 2018, exaspéré, le président de région qualifiait même le service de l'État d'indigne dans un courrier adressé à la ministre des Transports. Une nouvelle étape attend donc la Normandie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle fin de nuit, très belle journée à l'écoute de Cristal. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. En effet, on prend la pause déj ensemble avec toujours de très beaux cadeaux à gagner hein, tous les midis. C'est sur Cristal. Un robot pétrin est mis en jeu tous les jours cette semaine. 02 32 23 53 96 pour vous inscrire. Il faut battre Christine de Guichenville aujourd'hui. Elle a fait 7 points. Nous sommes donc avec Cathy de Bretteville sur l'Aise. C'est dans le Calvados. Allô Cathy. Oui, bonjour Cathy. Alors je situe à tous les auditeurs, tu es en ce moment devant l'école de ton fils qui a 9 ans. Tu l'attends, hein, il sort de l'école dans pas longtemps, c'est ça? Ça y est, là il vient de sortir. D'accord, il s'appelle comment ton petit loup? Il s'appelle Nolan. Et il va dans quelle école? Alors il va à l'école de Bretteville-sur-Lèze, il est en CM1. D'accord, parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent en ce moment dans la voiture et qui vont à cette école également. Tu es rentré dans ta voiture ou tu es toujours dehors? Oui, non, là je me suis mis au chaud. Parce qu'on s'imaginait dehors en train de répondre aux questions, les parents qui devraient se demander « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire au téléphone, elle ?» Alors, oui, Cathy, voilà, tu as eu, je crois, ta belle-sœur, à ce que tu me disais, qui a joué à la pause déj il n'y a pas longtemps, c'est ça? Voilà, voilà. Donc, je lui fais déjà un gros coucou. Elle s'appelle Solange et elle a joué Solange, en effet, ça me parle, Solange. Elle a gagné un aspirateur. Eh bien, toi, tu joues pour le robot pétrin, du coup, aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. On y va, Cathy, je te souhaite bonne chance. 3, 2, merci. 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du clonimisère, à en perdre la tête. Cathy? Oh, je passe. Il s'appelle comment le magazine de la mer sur France 3? C'est le nom d'une voiture de chez Renault. C'est aussi le terrain de jeu de Thomas Pesquet. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Voiture de chez Renault. En plus, je travaille là-bas. En plus. Twingo. Qui présente le magazine Stupéfiant sur France 2? Je passe. Elle s'appelle comment, la fête foraine géante à Rouen? Je sais plus. Non, ben là, c'est mort. Là, je passe. Quel est le prénom de l'humoriste dont le nom est Habitant? Habitant? Oui. Non. Et quel fruit peut être gariguette? La cerise. Oh, même pas. Même pas, loupée. Bon, bah comme ça, c'est bien. Oh, Cathy. Oh, c'est catastrophique. Alors qu'avant la première partie que vous avez faite là, avec Christine, j'avais 8 bonnes réponses et là, c'est la panique totale. Ah, ça, c'est l'effet de la radio, en effet. En essence, ouais, je pense. Bon, bah là, c'est même pas la peine. Catastrophique. Cathy, vaut mieux en rire, d'accord? Oui. Bon, déjà, l'extrait, c'est un titre qu'on entend quand même beaucoup en ce moment, puisqu'ils font le buzz, entre guillemets. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis, on veut du clonimisère, à en perdre la tête. C'était les trois cafés gourmands. Ah, voilà, ouais, bah oui, maintenant que. Ouais. Heureusement, il y a Thalassa hein, pour sauver les meubles. Ouais, bah il y a vraiment que ça, ouais. Puisque, en fait, le thé. C'est le nom d'une voiture de chez Renault. En plus, tu travailles là-bas, ce que tu m'as dit. Bah, et c'est aussi terrain de jeu de Thomas Pesquet. Alors, la Twingo, j'ai du mal à voir Thomas Pesquet sur une Twingo. On parlait de l'espace. Oui. Non, mais c'est la panique. C'est la panique. En fait, il ne faut pas désespérer au moment où on a fait une faute. C'est comme quand on passe le permis. En plus, je sais de quoi je vous parle. Vous avez presque grillé une priorité à droite, mais ce n'est pas grave, il faut continuer quand même. Voilà, bah de toute façon, je retenterai. Hein. Bien sûr. Alors, tu vas rester avec nous, ok? On va juste écouter un petit peu de musique, ça va te faire du bien, tu vas déstresser, d'accord? En plus, il fait beau aujourd'hui, on va continuer avec Major Lazer, Linon, c'est bien ensoleillé ça. On te retrouve juste après, Cathy, à tout de suite. D'accord, on t'en suit. Dans votre voiture en ce moment, les fenêtres ouvertes avec bien sûr les lunettes de soleil, c'est incroyable. Nous sommes le 16 octobre et il fait chaud encore, c'est fou ça, le réchauffement climatique, malheureusement. Nous sommes donc avec Cathy qui tente de battre Christine de Guéchainville. Christine a fait 7 points. Cathy de Bretteville-sur-Lèze devait donc faire 8 points. Bon, on le sait déjà, tu n'as pas les 8 points. Oh bah oui, non. Ça a été la panique, tu as perdu totalement les pédales. Voilà. Alors, c'est le stress de passer à la radio, c'est ça? Oui, bah oui, puis c'est la première fois, donc. C'est la toute première fois que tu passes à la radio. Voilà. Donc alors, pour une première, c'est loupé. Bon, il faut pas que tu sois non plus traumatisé par cette première expérience à la radio, hein, d'accord? Hein. Bien sûr, c'est normal, on n'est pas dans les mêmes conditions, on a envie de faire du bien, on a envie de faire bien, et surtout, bah, on n'a pas le même son non plus, hein. Oui, voilà. Quand on tournait dans sa voiture. C'est facile quand. De l'autre côté, on va dire. Il y a tous ceux qui ne nous croient pas, n'hésitez pas à tenter l'expérience, vous aussi, de la poser. Ah oui, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Alors, Cathy, on va quand même débriefer les questions et les réponses que tu nous as données. Oui. Qui présente le magazine Stupéfiant sur France 2? Il fallait retrouver Léa Salamé. C'est diffusé le mardi en deuxième partie de soirée. Ouais, je connais pas. Elle s'appelle comment, la fête foraine géante à Rouen? C'est quand même un événement normand qui est quand même assez connu. Bon, peut-être plus à Rouen, mais c'est la foire Saint-Romain qui va débuter ce vendredi soir et jusqu'au 18 novembre.

La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Il faut battre Christine de Guichenville. Elle a fait 7 points dans la pause déj. Il faut donc en faire 8 pour gagner un robot pétrin aujourd'hui. Alors, est-ce que notre prochaine candidate va faire ses 8 bonnes réponses minimum? Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors les filles, vous êtes très en forme. Je dis les filles puisque tu es avec ton amie Johanna, c'est ça? C'est ça. Vous vous apprêtiez à aller manger. Eh oui. Vous êtes où en ce moment? Sur Évreux. Sur Évreux, d'accord. Sinon, tu habites Ferrières au Clocher. C'est ça. D'accord. Et tu es commerciale dans l'électricité et tu aimes courir, faire la course. Allez, eh bien oui, il faut s'entretenir un petit peu dans le cours. D'accord. Est-ce que tu as fait Octobre Rose ou pas? Tu as fait les marathons d'Octobre Rose? Semi-marathon l'année dernière. À Caen, c'est ça? À Caen, tout à fait. Bon, tu as un fils hein, qui fait ses études à Caen, pour le coup? J'ai un grand qui fait ses études en fac de droit à Caen et j'ai okay. Un deuxième en seconde. D'accord. Alors, le grand, ça se passe bien pour la fac? Bon, c'est pas facile parce qu'il ne peut pas s'évaluer, mais sinon, ça a l'air bien parti. Donc, je croise les doigts. C'est sa première année? C'est sa première année de droit, oui. Et du coup, il a quitté maman, cette année, quoi, c'est ouais. Ça? Ça, c'est dur. Ah oui, ça devait pas être facile. Il a son appart à Caen et tout ça? Eh oui, la grande classe, hein. L'indépendance, il est en coloc ou il vit tout seul? Non, il vit tout seul, mais il a souvent des gens chez lui, je pense. Ah bah oui, non mais là, lui, tu sais qu'il adore, il kiffe en ce moment-là. Mon papa, c'est clair. Il y a juste les repas de maman qui doivent manquer, hein, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai acheté des plats tout faits. Ah bon, si, la maman poule, quoi. C'est ça. Bon, tu vas le voir de temps en temps, je suppose, quand même. Non, il revient tous les week-ends. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Sylvie et Johanna, aujourd'hui, vous jouez sur Cristal et vous jouez dans la pause déj pour emporter donc un robot pétrin pour faire de la cuisine et faire des bons petits gâteaux à ton fils, hein, du coup. Mais demi, pour le Ouais, pour les deux, hein, surtout, oui, il ne faut pas oublier l'autre. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est parti qu'il faut préférer l'autre, hein, c'est ça. Ah non, surtout pas. Alors, Sylvie, es-tu prête? Allez, je me prépare psychologiquement, c'est bon, je souffle, c'est parti. Je te rappelle les règles ou c'est bon, t'as pas besoin? Ouais, j'écoute souvent la pause déj. D'accord, bon bah merci déjà. Et on compte sur Johanna hein, pour t'aider. On y va, 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait? Car elle sent. Les filles, tu as dit Christophe May. Cite une grande ville française commençant par un B comme bateau. Bordeaux. Quel est le triple de la moitié de 200? 600. Comment dit-on soleil en anglais? Sun. Comment appelle-t-on les peluches toutes douces que les bébés et les enfants gardent précieusement avec eux pour se rassurer au moment de l'endormissement? Debout. Quel est le prénom du ministre dont le nom est Darmanin? Henri. Quel reptile est connu pour prendre la couleur de l'environnement dans lequel il se trouve? Pardon? Comment appelle-t-on une course à pied sur 21 km 100? Tu devrais l'avoir, celle-là? Le cycle. Tu peux me répéter ta réponse? Le semi-marathon. Fais quoi, Jocelyne? Parce que moi, j'avais pas compris le semi-marathon. Moi non plus. Hein. Alors. J'avais compris une course au départ en saut, donc j'avais pensé au cycle, mais non, 21 km au marathon, le semi-marathon, bien sûr, j'en avais fait l'année dernière. Jocelyne, on accepte ou pas? Oui, on va l'accepter. Allez, on accepte. Ah, oui, parce que ça a été donné juste après le gong, on n'avait pas entendu, on n'avait qu'à mieux t'écouter. C'est pour ça. C'est toujours la faute des autres. Hein, souvent. C'est généralement jamais de ma faute, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, Sylvie et Johanna, bon, ça m'a l'air quand même pas mal aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il faut faire 8 points. Alors, ça a démarré avec... Oula, ça a démarré très, très doucement, surtout que vous ne m'avez pas donné la bonne réponse. Hein. Car elle sent... Ce n'était pas Christophe Maé, hein, qu'on embrasse d'ailleurs, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais c'était Gérald de Palmas avec Elle s'ennuie. Ah oui. D'ailleurs, ça fera un bon titre plaisir à vous passer à 14h10, pourquoi pas. Cite une grande ville française commençant par un B comme bateau. Tu as dit Bordeaux, tu as mis du temps aussi. Hein. Pour celle-ci, il y avait également Besançon, encore Béziers. Quel est le triple de la moitié de 200? Alors là, tu n'y étais pas, tu as dit 600. Oui. Le triple de la moitié de 200. Alors, le triple de 200, 600. La moitié de 600 est égal à 300. Et comment dit-on soleil en anglais ? Celle-ci, tu l'as eu, hein. C'était bien sun. Alors, 8 points à faire aujourd'hui. Ça a été un petit peu lent au début, mais il y a eu des bonnes réponses après. Les doudous, hein, ce sont bien ces petites peluches toutes douces que les bébés gardent précieusement avant de dormir. Ça te fait une autre bonne réponse. Tu restes avec nous, Sylvie ? Merci. À tout de suite, juste après, Titio avec Comme un ange. En 2001, c'était Titio avec Comme un ange sur Cristal. Midi 43, nous allons connaître le gagnant, la gagnante de la pause déj, puisque c'est une pause déj féminine aujourd'hui, entre Christine de Guichainville, qui a donc le record de 7 points, et donc Sylvie, du côté de Ferrières en au clocher, c'est ça, Ferrières au clocher, voilà. L'équipe des filles qui allait manger à l'instant, alors... Il fallait donc comment quel est le prénom du ministre dont le nom est Darmanin. Il fallait donc reconnaître Gérald. Retrouver Gérald plutôt. Il est ministre des comptes publics. Alors, quel reptile est connu pour prendre la couleur de l'environnement dans lequel il se trouve? On parle bien du caméléon. Donne-moi 3 ans près. Non, je n'ai pas posé cette question. Non, non. Je suis paumée là. Alors, les filles, on a tout débriefé. Il fallait que vous fassiez 7 points pour battre Christine. Vous avez fait le score de 5 points. Ça va pas du tout, ça. Alors, non, en effet, ce n'est pas suffisant. Ça reste quand même un bon score. Malheureusement, pour aujourd'hui, pour battre Christine, qui a fait ses 7 points, vous étiez allé à 3 réponses près. Il aurait fallu 30 secondes en plus, quoi. Alors, bon, c'est pas grave, Sylvie, tu pourras rejouer avec nous. N'hésite pas aussi à faire jouer Johanna, pourquoi pas la prochaine fois. Elle avait l'air d'être contente de passer à la radio. On n'a pas beaucoup entendu, mais on l'a entendu crier de temps en temps. C'est ça. Bon, les filles, je vous souhaite bon appétit. Merci et bravo à la concurrente. Et puis, bon courage à vous tous. Bah oui, bien sûr, bravo à Christine de Guichainville. Qui est notre grande gagnante du jour, qui remporte donc un robot pétrin.

yes, I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Imagine Dragons à l'instant sur Crystal, c'était Next to Me. Crystal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. J'adore prendre la douche, je pense que vous aussi, enfin j'espère. La douche, le moyen le plus simple pour se laver tous les jours. On peut chanter dessous, le matin surtout. Et ça met de bonne humeur, hein, sauf quand il n'y a plus d'eau chaude, ça peut arriver. C'est ce qui m'est arrivé ce matin d'ailleurs, voilà, petite douche froide. Pourquoi je vous parle de douche? Car d'après un docteur spécialisé en hygiène, il faudrait se laver seulement 2 fois par semaine. Une douche tous les jours n'est pas nécessaire parce qu'on détruit le film protecteur qui protège notre peau. Alors en gros, en pensant lui faire du bien, on fait le contraire. Eh oui, alors il y a d'autres alternatives, hein, le savon à l'ancienne avec un gant, des lingettes, mais la douche reste le meilleur moyen pour se laver. À 2 douches par semaine, faut avoir un sacré bon déo. Il est 5h45, soyez les bienvenus sur Crystal. On continue de se réveiller ensemble dans un instant avec le retour de Vohit et puis l'horoscope d'Alexandra, ça arrive avant 6h. Le rappel des titres sur Crystal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Matinée partout nuageuse en Normandie ce mercredi 17 octobre et parfois des brumes ou bandes brouillard réduisant la visibilité avec un vent faible et de 7 à 13 degrés pour les températures minimales. Moins de nuages pour ce mercredi après-midi, un soleil plus généreux, le vent se renforcera en fin de journée et il fera de 18 à 21 degrés.

I won't leave you till I die. Girl, you are my only remedy. If you go, I won't survive anymore. Whenever, oh, forever, oh, we're meant to be together. Yeah. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. Yeah. You wonder, you never have to wonder. We can always play by ear. And that's the deal, my dear. Vous êtes sur Cristal, très bon réveil, il est bientôt 6h et pour ceux qui ont mis le nez dehors ce matin, on ressent la fraîcheur. Ça y est, surtout dans le Calvados, 7 petits degrés à Caen en ce moment, à Ouistreham sur la plage 7 degrés aussi avec un léger vent, comme c'est souvent le cas en bord de mer d'ailleurs. À Rouen, ça va un peu mieux, 10 degrés pour le moment, c'est Jérôme qui nous l'a dit sur le Facebook de Cristal. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos températures, c'est toujours sympa de faire la météo en direct avec vous tous les matins. D'ailleurs, la météo, on y revient en détail dans les prochaines minutes sur Cristal. D'abord, c'est l'horoscope de ce mercredi avec Alexandra. Bonjour Alex. Bonjour à tous, excellent mercredi 17 octobre. Votre horoscope, les béliers, votre nervosité sera palpable. Vous aurez du mal à vous contrôler. Taureau, cette journée pourrait marquer un tournant dans votre situation professionnelle. Gémeaux, l'amour pour vous sera comme une coupe de champagne. Quelques bulles pétillantes que vous dégusterez avec plaisir. Côté cœur, en revanche, pour vous les cancers, l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe. Attendez demain, ça ira mieux. Lion, il faut vous modérer un peu plus aujourd'hui. Prenez du temps pour vous et pour vous distraire. En amitié, les vierges, vous ne serez pas égoïste et vous renverrez l'ascenseur en cas de besoin. Balance, l'image d'une chaudière, vous bouillonnerez en permanence. Attention à l'explosion. Vu votre état d'esprit, les scorpions, célibataires, vous êtes en solo, vous resterez, ce qui vous conviendra parfaitement. Sagittaire, vous en aurez assez d'un passé qui vous retient et qui vous empêche d'aller de l'avant. Capricorne, vous décidez de mûrir vos projets et de ne rien laisser au hasard. Verseau, dans votre couple, vous serez tout feu tout flamme, ardent que vous êtes de nature. Et les poissons en famille, les broutilles et les gros conflits appartiendront désormais au passé. Excellente journée à tous. Si vous êtes déjà en train de bosser ce matin, vous êtes nombreux à vous lever.